Alors bonjour et bienvenue dans l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, notre étude se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 18. Et Paul nous a déjà donné, dans l'étude précédente, le thème de l'Épître aux Romains. Au verset 16, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Donc le thème de l'Épître aux Romains, c'est l'Évangile. Et maintenant que Paul arrive au verset 18, il commence à développer avec beaucoup de détails le contenu de cet Évangile. Le verset 18 se lit comme suit. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et première surprise qu'on a à la lecture de ce verset, c'est que le message de l'Évangile, de la bonne nouvelle, commence par la colère de Dieu. Paul commence par nous parler de la colère de Dieu. Et je dis première surprise, dans le sens que dans le monde dans lequel on vit, il semble que Dieu n'est qu'un seul attribut. On n'entend parler que de cet attribut-là uniquement. Même parmi les croyants, souvent, on parle de l'amour de Dieu. Dieu t'aime. On dit ça constamment. Mais Paul ne commence pas par cet aspect de ses attributs, de l'Évangile. Au contraire, il va commencer par la colère de Dieu. Comprenez bien ceci, frères et sœurs, mes amis. La bonne nouvelle, le salut en Jésus-Christ, n'a aucun sens si le verset 18 et les versets suivants ne sont pas présents dans l'Évangile. Romains 8, qu'on aime, qu'on connaît si bien, ne goûte pas bon si l'on n'a pas bien compris les chapitres 1, 2 et 3. Si notre évangélisation commence par la grâce sans d'abord parler par le péché, je crois qu'on fait fausse route, on se trompe. Parce que c'est impossible de bien comprendre l'amour de Dieu sans d'abord comprendre la haine pour le péché, sa haine pour le péché. Nous ne pouvons pas non plus comprendre la grâce de Dieu sans bien comprendre ses lois. Et vous ne pourrez pas comprendre son pardon sans d'abord comprendre la pénalité du péché. L'idée d'un Dieu juste, d'un Dieu de colère, d'un Dieu qui enverrait des hommes en enfer, c'est totalement inconcevable pour la majorité des êtres humains sur la terre. Inconcevable que Dieu puisse faire ça. Pour un Dieu d'amour. Et je l'admets volontiers, c'est pas un sujet facile, la colère de Dieu. Parce que ça a des conséquences terribles sur les vies humaines. Mais c'est un sujet qui est abordé dans les Écritures et dans l'Épître aux Romains, le verset 18 et les suivants. Paul met l'emphase là-dessus, sur la colère de Dieu. Et il faut adresser ce passage-là. Il ne faut pas passer à côté. Alors, comme introduction ce matin, je vous propose un survol des Écritures pour regarder ensemble les attributs de Dieu. Je pourrais dire la colère de Dieu parmi les attributs de Dieu. Quelle est sa place? Quelle est sa place? Il nous faut comprendre que tout d'abord, les attributs de Dieu sont parfaitement balancés. Les attributs de Dieu sont parfaitement balancés dans sa perfection divine. Quand je parle d'attributs, c'est ses qualités divines, ceux qui n'appartiennent qu'à Dieu. Et ils sont, balancés, parfaitement balancés. Dieu aime d'un côté, et il haït de l'autre, parfaitement. Autant Dieu aime entièrement, autant il haït entièrement. De même que son amour est sans compromis, de même que sa haine est sans compromis. En parlant de Jésus, il est écrit dans Hébreux chapitre 1, verset 9, « Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. » Voyez, l'amour, la haine. L'amour pour la justice et la haine pour le péché, l'iniquité. Le français courant nous dit comme suit, « Tu aimes ce qui est juste et tu détestes ce qui est mal. » C'est clair, n'est-ce pas? Il y a ce parfait équilibre dans la nature de Dieu. Parfait équilibre. Et pour bien comprendre la grandeur de son amour, il nous faut également comprendre, ou premièrement comprendre la grandeur de sa colère. Si vous comprenez vraiment que Dieu haït tellement et si profondément le péché, alors vous allez trouver extraordinaire et surprenant que Dieu puisse aimer le pécheur. Lorsque vous annoncez l'Évangile, vous, lorsque tu annonces l'Évangile, de quoi parles-tu? Est-ce que tu leur parles, est-ce que tu parles à la personne ou aux personnes de l'amour de Dieu en premier? Ou est-ce que tu lui parles du péché, de haine de Dieu pour le péché? C'est pourtant là que Paul nous amène aujourd'hui. Parce que l'amour et la grâce, nos sujets favoris, l'amour et la grâce n'ont aucun sens, aucune signification si Dieu ne haït pas le péché. L'amour et la grâce n'ont aucune signification si Dieu ne haït pas, ne hait pas le péché. Alors regardons d'abord la colère de Dieu dans l'Ancien Testament. Le psaume 78, verset 49. Rappelez-vous les 10 plaies d'Égypte. Psaume 78, verset 49, c'est écrit « Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte. » Voyez, lorsque la colère de Dieu s'exprime, les gens périssent. C'est à ce point que Dieu haït le péché. 2 Samuel chapitre 6, verset 6. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. Ici, la colère de Dieu est comparée à un feu. Et encore une fois, il y a mort d'homme. C'est du sérieux. Dieu est sérieux face au péché, lorsqu'il s'agit du péché. Un autre exemple se trouve dans Nombre, chapitre 16, verset 46. Et Moïse dit à Aaron, « Prends le brasier, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron prit le brasier, comme Moïse avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Et voici, la plaie avait commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants. Et la plaie fut arrêtée. Le prochain verset, considérez-le, regardez bien. Il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. 14 700 personnes qui moururent de cette plaie. Outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Même constat ici, frères et sœurs. La haine de Dieu contre le péché est dévastatrice pour l'homme, pour l'être humain. Et voilà seulement quelques exemples que je vous ai cités dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y en a encore et encore et encore de nombreux passages où est-ce que Dieu est indigné. Dieu est en colère. On voit la colère de Dieu appliquée dans l'Ancien Testament contre l'ancien monde. Rappelez-vous le déluge, lorsque Dieu amena le déluge. Contre le peuple de la tour de Babel. On voit la colère de Dieu appliquée contre Sodome et Gomorre et contre les villes de la plaine. Contre les Égyptiens et leur armée. Contre Israël même et contre ses ennemis. Contre Myriam et Aaron lorsqu'ils murmurèrent contre Moïse. Contre la famille de Saül et ça continue encore et encore et encore. Nous voyons également la colère de Dieu dans le Nouveau Testament. La colère de Dieu est exprimée autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. La grâce de Dieu est exprimée autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Souvent à tort, on pense et on dit Dieu dans l'Ancien Testament, il est sévère, c'est un Dieu de colère, c'est un Dieu de jugement. Puis dans le Nouveau Testament, c'est la grâce, c'est l'amour, c'est la paix. Regardons ensemble. Nous voyons la colère de Dieu dans l'Épître de Jean. Dans l'Épître de Jean, ce merveilleux évangile qui nous montre Jésus dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, sa grandeur, sa beauté. Et pourtant, ce merveilleux évangile nous parle de la colère de Dieu. Jean 3:36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Jean nous dit que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, sont sous le jugement, sont sous la colère de Dieu. Autrement dit, l'humanité entière est sous la colère de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 7, toujours dans le Nouveau Testament. « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. » Wow! Toute une promesse, toute une parole qui est difficile, qui est peut-être choquante, mais qui est vraie. Qui est vraie. Ce texte nous dit que Dieu est un Dieu de colère et qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de passe-droit pour le pécheur, qui qu'il soit. Dieu va demander des comptes, mes amis. Dieu va demander des comptes aux êtres humains. Apocalypse, chapitre 20, verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dieu tient compte de toutes les œuvres des êtres humains. Selon ce qui est écrit dans ces livres, les êtres humains ont été jugés, vont être jugés. La mer rendit les morts qui étaient en elle, verset 13. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Quiconque. Ça me fait penser à un autre quiconque à laquelle est rattachée une offre. Jean 3,16, qu'on connaît bien, « Afin que quiconque croit ne périsse point. » Le même quiconque ici. Peu importe, autrement dit, la personne qui va placer sa foi en Jésus-Christ, elle ne périra point. Elle a accès au Père, elle a une relation maintenant avec lui, avec Jésus-Christ. Donc, quiconque va placer sa foi en Jésus-Christ va être sauvé, va avoir la vie éternelle. Oh, la vie éternelle. Mais le verset 15 du chapitre 20 de Apocalypse nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Le même quiconque ici. Quiconque ne fut pas trouvé fut jeté. Ceux qui ne croient pas, c'est ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Ceux qui ne croient pas vont être jetés dans l'étang de feu. Alors, ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus? Est-ce que tu as cru en sa parole? C'est une question importante, n'est-ce pas? Parce que si tu dis oui, j'y crois, il y a une conséquence. C'est la grâce de Dieu qui t'est offerte. C'est la grâce de Dieu qui t'est donnée. Si tu dis non, je ne crois pas, alors c'est les temps de feu, c'est la colère de Dieu, c'est le jugement éternel. Et là, c'est la punition de Dieu, la colère de Dieu qui va se répandre sur toi. Dieu est indigné contre le péché et son juste jugement éternel attend toute personne qui refuse de venir à lui par l'entremise de son Fils Jésus-Christ pour être gracié, nous dit les versets 16 et 17. Revenons au verset 18 de Épître aux Romains, chapitre 1. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La mauvaise nouvelle doit venir avant la bonne nouvelle, frères et sœurs. C'est comme aller chez le médecin, vous avez sans doute entendu cette histoire-là, ce témoignage-là. C'est comme aller chez le médecin et le médecin vous dit « J'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Vous êtes atteint d'une maladie mortelle qui a déjà tué plusieurs personnes. » Mauvaise nouvelle. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a un remède qui a été trouvé et je l'ai ici dans ma main. Voyez, la bonne nouvelle ne veut rien dire sans la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle ne signifie rien sans la mauvaise nouvelle. Il faut diagnostiquer la maladie avant d'offrir le remède. La mauvaise nouvelle, c'est que Dieu haït, il hait le péché. La bonne nouvelle, c'est que Dieu aime, Dieu a tant aimé le monde. Mais vous devez commencer par sa haine du péché, et non le contraire, par l'amour. Premièrement, le diagnostic, ensuite, le remède. Mais pourquoi est-ce que Paul, à ce moment-ci, nous parle de la colère de Dieu? Pourquoi est-ce que Paul nous parle de la colère de Dieu? En effet, il vient de dire au verset 16, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Verset 17, « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Donc, pourquoi est-ce que Paul nous parle à ce moment-ci, le verset suivant, le verset 18, de la colère de Dieu? Je vous suggère, première des choses, parce que le verset 18 nous met en contact avec le passage précédent. Le passage précédent nous dit que la justification ne s'obtient que par la foi. La justification ne s'obtient que par la foi. Pourquoi? Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et contre toute impiété des hommes qui tiennent injustement la vérité captive. Ce que le verset dit, c'est que les hommes, les êtres humains, retiennent la vérité de Dieu. La vérité injustement captive, et ils sont sous la colère de Dieu. Les hommes sont sous la colère de Dieu. Par conséquent, ils ne peuvent pas se justifier. Ils ne peuvent pas se présenter juste devant Dieu. Ils ne peuvent pas faire quoi que ce soit pour se présenter devant Dieu juste. Ils sont sous la colère de Dieu. Donc, la justification s'obtient par la foi seule, en une personne, soit Jésus-Christ seul. Car tous les hommes sont sous la colère de Dieu. Ça doit absolument être par la foi, non par les œuvres, parce que tous sont sous la colère. Paul le dit autrement dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 3 nous dit, il parle des chrétiens, et Paul s'inclut là-dedans, et il dit, « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère. » Nous étions par nature, on est nés comme ça, sous la colère de Dieu. Comme les autres, pas de différence. Nous étions comme ça. Tout le monde né dans ce monde est un enfant de colère, est sous la colère de Dieu. L'humanité entière est sous le jugement de Dieu. Alors, on va commencer avec le verset 18 sur le concept de la colère, puisque Paul en parle, et on va regarder la source de cette colère-là. On l'a déjà dit abondamment, prononcer le mot de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel. Hein? La colère vient du ciel. La présence de Dieu. là où se trouve Dieu lui-même. C'est la colère divine, c'est la colère de Dieu. Ça n'a rien à voir avec vous et moi, dans le sens que ça n'a rien à voir avec notre colère à nous, votre colère et la mienne. Nous, les êtres humains, nous nous mettons en colère lorsque nous sommes offensés. Et notre colère est entachée par notre orgueil qui est sur notre chemin, qui est dans nos jambes, et par le péché, par un autre péché. Mais le passage de Romains 1, 18 nous dit, nous parle de la colère de Dieu comme un de ses attributs. Elle est aussi parfaite que Dieu lui-même est parfait. Sa colère est aussi parfaite que Dieu lui-même est parfait. Sa colère est juste. C'est la bonne sorte de colère. C'est une sainte colère. C'est une colère qui est faite d'une bonne façon, la colère de Dieu. Et comprenez bien ceci. Je répète, comprenez bien là. Restez avec moi. Si Dieu n'avait pas de colère, si Dieu n'avait pas de haine, il ne serait pas Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Si Dieu n'avait pas de colère, si Dieu n'avait pas de haine, il ne serait pas Dieu. Dieu ne saurait être Dieu, saint et bon, s'il ne réagissait pas au mal, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas être saint et tolérer ce qui n'est pas saint, ce qui est mal, ce qui est péché. Je ne peux pas être saint et dire « ça ne me dérange pas le péché, moi. Ça ne me dérange pas que les gens fassent le mal. » Ça ne me dérange pas que le mal soit en ma présence. Je peux pas, c'est impossible. Donc, je ne peux pas être Dieu si je ne repousse pas le péché, si je ne réagis pas au péché. Habacuc le résume dans sa façon. Habacuc, chapitre 1, verset 13, nous dit, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Un Dieu trois fois saint. La colère de Dieu est toujours parfaite. Toujours parfaite. Donc, la source de la colère, elle vient du ciel. Une colère parfaite, c'est la colère de Dieu. C'est celle d'un Dieu saint. Et elle est très différente de celle des hommes. N'essayons pas de mettre les mêmes motifs de la colère à celle de notre colère, à celle de Dieu. Non, non, c'est différent. Une colère parfaite, une colère sainte, une colère qui est faite de la bonne façon, pour les bons motifs, pour les bonnes raisons. Donc, la source de la colère est maintenant le temps de sa colère. Le texte nous dit, « La colère de Dieu se révèle. » Et le temps du verbe « révéler », elle se révèle, c'est le temps présent. Donc, ce que signifie que c'est quelque chose qui se passe maintenant. La colère de Dieu se révèle. Autrement dit, chaque fois que je lis le passage de Romains 1, 18, la colère de Dieu se révèle, c'est actuel. C'est vrai. Ça se passe en ce moment même. La colère de Dieu se révèle maintenant et elle s'est révélée à travers toute l'histoire humaine. Le mot « révélé », la colère de Dieu se révèle, le mot « révélé », c'est « apocalypto ». Apocalypto, ça vous fait penser à quoi ça? Apocalypse, n'est-ce pas? Parce que le mot Apocalypse, dans certaines Bibles, il y a révélation, le livre de la révélation. Donc, apocalypto, c'est révèle, révélé. La colère de Dieu, c'est révélé. Ça signifie, elle se dévoile, elle éclaire, elle paraît, elle se manifeste. La colère de Dieu s'est manifestée dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? La colère de Dieu s'est manifestée dans le jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, immédiatement la sentence de mort a été prononcée. La terre a été maudite et Adam et Ève ont été chassés du paradis, immédiatement. La colère de Dieu fut révélée également au déluge, lorsque Dieu noya l'humanité, excepté Noé et sa famille. La colère de Dieu s'est révélée dans la noyade de l'armée de Pharaon. Sa colère fut révélée par la destruction de Sodome et Gomorre, n'est-ce pas? Donc, la colère de Dieu est constamment en train d'être révélée. Elle se révèle. Mais malgré cela, malgré que Dieu révèle sa colère, Dieu amène des jugements ici et là. Malgré ça, il y a des gens qui semblent être prospères. et qui vivent dans le péché sans se soucier de l'existence de Dieu même, et ils sont prospères et ils vivent, comme l'expression ici québécoise, « gradure », sans se soucier de Dieu, et il semble que tout est bien, ils ont du succès. Et on pourrait se poser la question, comment peuvent-ils s'en tirer à si bon compte, eux qui font le mal? Pourquoi est-ce que Dieu les laisse agir ainsi? Première des choses, j'aimerais dire qu'il n'y a pas de grand péché, de petit péché. Donc, on pourrait dire, prendre cet exemple-là, et dire, « Ah, lui, il pêche. » Mais, souvenez-vous, pour un seul péché, Adam et Ève ont été chassés du paradis. Un seul. Vous et moi, nous méritions la colère de Dieu. Nous étions sous la colère de Dieu, tout également, comme cette personne fictive, n'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce que Dieu les laisse-t-il faire sans réagir, sans agir, y semblerait-il? Eh bien, je vous suggère que plus longtemps Dieu les laisse pécher, les laisse agir à leur façon, plus longtemps il dispose pour aiguiser son épée. Plus longtemps il dispose pour aiguiser son épée. Plus Dieu étire son arc, qui est sa colère qui s'accumule, plus Dieu étire son arc, plus la flèche va pénétrer lorsqu'il va lâcher la flèche, justement. Plus il pénétrera. Le jugement de Dieu va venir. Le jugement de Dieu s'en vient. C'est une chose certaine. Je vous raconte l'histoire d'un fermier. Détendre un peu l'atmosphère. Donc, on raconte l'histoire de paysans dans une communauté, dans une petite communauté. Les paysans qui se rendaient à l'église un dimanche d'automne et qui ont été grandement choqués. En effet, il y avait un homme qui possédait 40 acres de terrain juste en face de l'église et qui décida de faire ses récoltes ce dimanche-là. Et il travailla toute la journée, se promenant d'un bout à l'autre de son terrain avec plusieurs tracteurs, plusieurs machineries lourdes. Et les gens qui arrivaient à l'église pouvaient entendre très bien la machinerie et la poussière qui s'élevait et tout ça. Ils étaient choqués de tout ça. Ils étaient préoccupés de ce qui se passait. Parce que le fermier avait travaillé toute la semaine sur d'autres de ses terrains et qu'il avait réservé celui-là spécialement pour le dimanche. Et les citoyens se posaient des questions. Pourquoi? Alors, le fermier a écrit une lettre au rédacteur du petit journal local. Et il a expliqué la raison de son geste. Il voulait prouver un point ici. Il dit qu'il avait fait les récoltes le dimanche, et pourtant, malgré qu'il avait travaillé le dimanche, il avait eu quand même le meilleur rendement par acre de tout le comté. Ce qu'il dit, je travaille le dimanche, puis malgré tout, c'est moi qui ai la meilleure récolte. Comprenez-vous ça, vous autres les chrétiens? C'est la question qu'il leur pose. Comprenez-vous ça? Quand j'ai travaillé dans les champs, je n'ai pas senti que Dieu était là. Je n'ai pas senti que Dieu m'en voulait, que la colère de Dieu était là. Et donc, il a demandé à l'éditeur du petit journal de publier ça. Et l'éditeur, qui était croyant lui aussi, a publié la lettre du fermier. Mais avec cette petite note en bas de sa lettre comme réponse. C'est écrit, « Dieu ne règle pas tous ses comptes au mois d'octobre. » Dieu ne règle pas tous ses comptes au mois d'octobre. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, on connaît bien ce texte, nous dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Donc, premièrement, la source de la colère, elle vient du ciel, elle est divine, c'est Dieu, la source. Et deuxièmement, le temps de sa colère, elle se révèle constamment. Maintenant, hier, aujourd'hui et constamment. Le docteur Barnhouse a dit ceci au sujet de la colère. La colère de Dieu est comme de grandes eaux derrière un barrage. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, des fois, de voir peut-être à la télé des immenses barrages qui empêchent l'eau de tomber, d'aller plus loin. La colère de Dieu est comme de grandes eaux derrière un barrage. Plus il y a d'eau derrière le barrage, et plus, je pourrais dire, le barrage s'élève en hauteur. Mais ce n'est pas à cause qu'il y a beaucoup d'eau, c'est le barrage est très haut. Donc l'eau s'élève d'un côté, on a beaucoup d'eau, puis de l'autre côté, on n'a presque pas d'eau. Plus il y a d'eau, plus le barrage s'élève en hauteur, et plus l'eau retenue envahit, ou est-ce qu'elle est retenue, la vallée, et monte sur les montagnes, le flanc des montagnes. Ainsi en est-il de la colère de Dieu. La première fois qu'un péché a été commis, la colère de Dieu a été emmagasinée pour ce péché. Et à mesure que les hommes se sont multipliés sur la terre et que leur cœur mauvais s'est exprimé en faisant le mal, de même la colère de Dieu a grandi de plus en plus. Retenue par la patience de Dieu qui se tient dans la vallée du jugement de Dieu comme un barrage devant une rivière. Le barrage, c'est la patience de Dieu qui retient la colère de Dieu, qui retient le jugement de Dieu. Depuis des milliers d'années, la colère de Dieu s'est accumulée, accumulée. Et vous savez quoi? Un jour, la colère, le barrage a cédé. Un jour, le barrage a cédé. Il a cédé sur Jésus, Jésus-Christ. Et la fureur de la colère de Dieu l'a noyé dans l'océan de nos péchés qu'il a pris sur lui. La colère de Dieu, la fureur de Dieu est tombée sur lui. Mais le barrage va céder encore une fois. Il va céder de nouveau. Et cette fois-ci, il va noyer tous ceux qui n'ont pas mis leur confiance dans cette personne, dans Jésus-Christ, qui a subi la colère pour eux. Jésus a subi le jugement pour ceux qui croient, pour les élus. Mais pour ceux qui ne croient pas, ils vont subir, chacun d'eux, le jugement de Dieu. La colère de Dieu les attend. Comprenez bien, Paul commence par la colère de Dieu pour annoncer l'Évangile. Il commence par ça. Il nous faut imiter Paul. Il nous faut imiter les Écritures. Commencer par la mauvaise nouvelle, ensuite... Si la mauvaise nouvelle est acceptée, elle est retenue, on annonce la bonne nouvelle. Sinon, pas de bonne nouvelle. C'est là que commence l'Évangile. Mais souvenez-vous, il y a de bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris sur lui seul, je disais, toute la fureur de la colère de Dieu qui t'était destinée, qui m'était destinée. Il a payé le prix à ma place, à ta place. Et si tu crois cela, si tu crois que Jésus est celui qu'il dit être le sauveur du monde, si tu crois que Jésus a fait ce qu'il dit avoir fait, donner sa vie en rançon pour toi, alors si tu crois ce que la Bible dit, ce qu'il a fait, Romains 8, 1 s'applique à toi maintenant. On va le voir dans les prochains chapitres que les détails de la colère de Dieu et les raisons de la colère de Dieu et tout ça. Et si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, Romains 8, 1 va s'appliquer à toi. Il s'applique à toi. Ça dit que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ceux qui ont placé leur foi en Jésus ne viennent plus en condamnation. Il n'y a plus de jugement pour eux. Parce que c'est Jésus qui a pris le jugement sur lui. Alors, de quel quiconque est-ce que tu fais partie? Fais-tu partie du quiconque croit? Et tu pourrais dire Patrick qui croit, Joël qui croit, Julie qui croit, Martin qui croit, François qui croit. Ou fais-tu partie du quiconque qui ne croit pas, qui va subir la fureur de la colère de Dieu, qui va être jeté dans les temps de feu? Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Comment est-ce que je peux savoir si je suis dans le livre de vie? Ma question est dit, est-ce que tu as cru? Si oui, alors tu es écrit dans le livre de vie. Sinon, alors c'est parce que tu n'es pas écrit. Mais Dieu est patient, désirant que tous parviennent à la repentance. Dieu t'offre encore une possibilité de te repentir, d'avoir une relation avec lui, de le connaître, ton Créateur. Alors voilà la fin de mon introduction. Ce n'était qu'une introduction aujourd'hui sur le sujet de la colère de Dieu. Notre prochain texte, le verset 19 et les suivants, je vous lis juste le verset 19 qui nous dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. » Et là, il va parler des perfections invisibles, tout ça. La colère de Dieu se révèle, puis il dit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. » Et les prochains versets vont répondre, qu'on va voir la prochaine fois, vont répondre à la question souvent soulevée « Oui, mais celui qui est dans les îles, celui qui est en extrémité de la terre, que personne ne connaît, qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui n'a jamais reçu l'Évangile, qu'est-ce qui arrive avec lui? » Le prochain message, ou les prochains messages vont répondre à cette question. Alors, je vous invite à être là. On va terminer en priant, si vous voulez bien. Père, nous sommes reconnaissants que tu nous as offert ta grâce. Et dans ton amour, tu nous as permis de croire en cette bonne nouvelle. Et tu nous as permis, premièrement, de croire dans la mauvaise nouvelle, Seigneur, que nous étions pécheurs, que nous étions perdus, que nous étions sans Dieu, sans Christ, loin des promesses. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions morts par nos offenses, nos péchés, morts spirituellement. Impossible de te plaire. Dans ta grâce, tu nous as permis de croire cela. Tu nous as changé notre cœur et tu nous as donné ton esprit afin qu'on croie. Quel privilège, quel cadeau maintenant que nous connaissons la vérité, que de te connaître, que de connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre Roi, comme notre Maître. Merci pour cette grâce divine. Merci pour cette lumière divine qui a illuminé nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te servir éternellement. Parce que c'est une dette éternelle que nous avons envers toi et parce que nous t'aimons. Oui, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Seigneur, je prie que ceux qui entendent ce message aujourd'hui puissent placer leur foi en ton Fils Jésus-Christ comme le seul sauveur du monde, leur sauveur à eux, afin qu'ils puissent avoir une relation avec toi, afin qu'ils puissent te connaître et te servir, et oui, être épargnés lors du jugement. Parce que le jugement est tombé sur Jésus. Je prie que ta parole, Seigneur, soit efficace dans leur cœur. Béni sois-tu, Père éternel. Gloire à ton nom. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit bientôt. Au revoir.